Vous écoutez le podcast de Bob vous dit toute la vérité. Merci de nous écouter sur Ado tous les soirs 97.8 à Toulouse 93.1 à partir du 1er juillet dans 40 autres villes de France. Pour en connaître les fréquences, il vous suffit d'aller sur bob-toutelavérité.fr. Si vous êtes fan de rencontres du troisième type, vous serez heureux car je vous propose ce soir de grimper d'une marche et vous offrir un focus sur les rencontres du quatrième type. Pour les découvrir, vous en dire toute la vérité, Richard Glenn, un autre Québécois ce soir. Salut Richard. Oui, bonsoir Bob. Le jour de la Saint-Jean-Baptiste, qui est le jour de la fête nationale des Québécois. Bonne fête. On l'a pas fait exprès, mais bonne fête à vous. Alors, vous êtes l'ésotériste du Nouveau Monde, animateur, concepteur, producteur d'émissions ésotérisme expérimental. Vous avez animé une émission de télé au Québec entre 1976 et 97. Puis, vous diffusez maintenant sur Internet. Vous êtes diplômé en psychologie. Et on va évoquer ce soir, Richard, ces histoires de contacter. Moi, je m'étais arrêté au troisième type, les différences entre la rencontre du troisième type et la rencontre du quatrième type, Richard. Oui, il y a même la cinquième et la sixième type. Alors, on pourrait les replacer dans l'ordre. C'est d'ailleurs le docteur J. Allen Hynek qui a institué cette nomenclature, si on veut. La rencontre du premier type, c'est qu'on voit quelque chose qui nous semble anormal dans le ciel. On va dire c'est un OVNI, objet volant non identifié. Unidentified Flying Object, UFO. D'accord. Rencontre du deuxième type, il y a des traces qui sont laissées sur le sol, le terrain brûlé, magnétisé. Alors là, on est sûr qu'il y a eu un passage de quelque chose, mais on n'est pas nécessairement très proche de l'événement. Mm-hmm. Alors que la rencontre du troisième type, ben là, oui, l'objet est juste devant nous, une porte s'ouvre, des personnages en sortent, mais on n'a pas de contact avec eux, ça reste à distance. Mm-hmm. Quatrième type, on est en relation, on est en contact. Et alors là, on va parler du contact et des contactés, des gens qui sont mis en relation avec des alienigènes, ceux qui ont les gènes étrangers aux gènes de l'être humain. On les appelle en anglais aliens, en espagnol, on va dire alienos. Alienigènes, qui est un néologisme qui est utilisé dans certains milieux ufologiques pour dire des êtres différents de nous. Alors déjà qu'on a de la difficulté souvent sur Terre avec les races différentes entre les humains, imaginez la rencontre avec un personnage qui non seulement n'a pas la même couleur de peau, mais il n'a pas tout à fait la même morphologie qu'un être humain. Bien sûr. Et le choc est intense pour le témoin, qui devient plus simplement un témoin, mais il devient un acteur de la relation, qui risque dès l'instant que ça se produit, de changer profondément sa psychologie, sa façon de voir le monde, de voir la réalité humaine et la société en général. Il est immédiatement, instantanément marginalisé. Et dès lors, ça va être à lui de retrouver et son équilibre psychologique pour lui personnellement, et aussi pour être capable de rétablir un contact normal, on pourrait dire, avec les autres humains qui, eux, non seulement ne croient pas, n'ont pas vécu l'expérience, mais vont le ridiculiser et ridiculiser son vécu. Bien sûr. Pour ne pas dire le prendre pour un dangereux. Alors, c'est le ridicule d'abord, mais le ridicule ne tue pas. Mais après, par exemple, on risque de l'envoyer à l'abattoir en disant « il est dangereux pour la société ». Oui, c'est ça. Alors, habituellement, les gens qui ont été mis en rapport avec le phénomène extraterrestre, ce qu'on appelle là, les contactés, ils se taisent, ils ne parlent pas. Alors Richard, on va jusqu'à 23h59, à peu près minuit presque, discuter de ces contactés. Steven Spielberg a imaginé rencontre du troisième type. Mais est-ce vraiment le fruit de son imagination? Bob vous dit toute la vérité. Tous les soirs. Tous les soirs, 21h minuit sur Ado. Richard Glenn, avec moi ce soir, on va parler des contactés, Richard. Est-ce qu'il y a des types particuliers de contactés? Oui, on pourrait dire que le mot contacté chapeaute tout un type, trois types principaux de contactés. Ouais. Les contactés, c'est ceux dont on vient de parler, qui ont eu un rapport avec des êtres extraterrestres. Mais qu'est-ce qui se passe dans la relation, dans le contact? Il peut se passer trois types de contactés. Le premier, c'est le manipulé. Ouais. Alors, un peu comme si la personne était tombée automatiquement sous hypnose, elle est manipulée comme, on pourrait dire, une marionnette. Hein. Vous savez, il y a des marionnettes à cordes qu'on manipule d'en haut, et il y a les marionnettes à gaines qu'on manipule d'en dessous. Autrement dit, il y a les extraterrestres qui viennent d'en haut, et il y a les intraterrestres qui viennent des profondeurs de la Terre, chassés dans les entrailles de la Terre. On se souviendra de la fameuse phrase de la Bible, les mauvais anges ont été chassés dans les entrailles de la Terre. Et ces êtres-là, qu'on appellera, nous, les intraterrestres, vont aussi manipuler l'humain lorsqu'ils entrent en contact avec. Et les intentions ne sont pas les mêmes, les objectifs ne sont pas les mêmes, évidemment. Donc, on va parler des manipulés. Le deuxième groupe, on va les appeler les programmés. Alors, un peu comme des robots programmés. On programme un ordinateur, on sait ce que c'est maintenant, la programmation. Ça peut marcher par code, ça peut marcher par événements circonstanciels, par hasard, par synchronicité. On sait que Carl Gustav Jung a parlé du phénomène OVNI en disant que c'était le mythe moderne. Ouais. Autrefois, on les appelait des anges, on les appelait des devas, on les appelait des gnomes, des farfadets, des réplicornes. Bien sûr. Aujourd'hui, on va les appeler des petits gris, des grands blonds, des extraterrestres. Hein? Bon, alors, deuxième groupe. Et troisième groupe, celui qui dérange peut-être le plus, c'est celui qu'on va appeler les missionnés. Alors, ce sont des contactés qui se disent missionnés, qu'ils ont un rôle à jouer, qu'ils doivent, envers et contre tous, faire valoir ce qu'on pourrait appeler la bonne nouvelle, l'évangile cosmique. Et là, souvent, envers et contre tous, comme je le disais, ils vont affronter mer et monde, ils vont affronter les médias, ils vont affronter le ridicule, les menaces, tout. Et dans tous les cas des contactés, dans tous les cas, là, quand je dis maintenant le mot contacter, vous savez que je veux situer là les manipuler, les programmer, les missionner, tout dans le même panier. Là. Ouais. Ben, dans le cas des contactés, rarement on a des preuves objectives. Hein. C'est l'expérience subjective, c'est ce qu'on va appeler l'expérientiel, un peu comme les NDE, là, celui qui a vécu la... L'expérience de mort imminente, oui. Oui, justement. C'est son témoignage. C'est lui qui l'a vécu. Bien sûr. Il va revenir en disant, j'ai vu un tunnel, j'ai vu des êtres, j'ai vu des amis, j'ai vu mon père venir me voir, etc. Oui, mais quelle preuve a-t-il, hein? Il n'y en a pas. Et pourtant, sa psychologie a changé. Sa manière de vivre pour le reste de sa vie va être modifiée. Mais pour les contacter, c'est exactement la même chose. Ouais. Et là, Bob... on va peut-être se servir de l'illustration de quelques enregistrements que je vous ai fait parvenir. Ah oui. Contacter. On va évoquer Bernard de Montréal, notamment. Ben, bravo, on va commencer par lui. Parce que, juste à l'écouter, lui, là, c'est un phénomène. En soi, là, c'est un phénomène où on pourrait passer une heure avec tout ce qui est avenant, aboutissant autour de Bernard. Il est décédé. Il a été contacté en quelle année, Bernard de Montréal? Je crois que c'est en 1969, la même année qu'on marchait sur la Lune pour la première fois. D'accord. Et Bernard de Montréal a eu sa première expérience lors d'un voyage aux États-Unis à Albuquerque, non loin de Roswell. Tout le monde connaît l'histoire de Area 51, là, bien sûr. Zone. Et puis il est revenu transformé, mais pas profondément. Jusque-là, ça allait. Il faisait une vie ordinaire, normale. Il avait ouvert une librairie ici à Montréal et il recevait des gens intéressés par tous les sujets insolites parce que sa librairie s'était spécialisée dans ces domaines. Alors, la cosmogonie d'Urance, il y a la doctrine secrète d'Elena Blavatsky. Alors, puis lui, ben, tant qu'il était assis dans une librairie, il lisait les livres. Hein, alors, il avait le temps de s'instruire, de s'informer de tout ça. Et un bon matin, alors il nous le dit, en prenant son déjeuner, il mangeait des céréales, et tout d'un coup, paf, ce qu'on appellera le contact. Un peu comme quand on allume une ampoule ou une lumière, on met le contact dans le circuit, tac, ça lui est rentré dans le système. Et une chance que sa femme, qui était très très aimante, ils avaient déjà une petite fille, elle l'a pris... et elle l'a aidé à traverser l'épreuve, car en lui venait de se passer un phénomène dans son cerveau, dans sa tête. Il entendait quelque chose qui lui parlait. C'est, on pourrait dire, chez les psychiatres, bon, le voilà, il est parti dans une schizophrénie quelconque. Mais c'est, on juge l'arbre d'après les fruits. Alors, il n'est pas devenu déréglé complètement. Il était simplement hyper intelligent, super intelligent. Un peu comme des autistes, là, on les appelle des surdoués, non? Oui, c'est ça, des surdoués. On se dit, tu sais, des calculateurs génies. On leur donne des chiffres, puis ils sont capables de calculer à toute vitesse. Ouais. Bon, alors lui, là, c'était la réponse à toute question. Alors, Richard, je propose de marquer une pause. On va se retrouver dans quelques instants sur un dos pour écouter des entretiens de Bernard de Montréal que vous nous avez fait le plaisir et l'amitié de nous communiquer afin que la France puisse découvrir ce qu'il disait. Et on va l'entendre évoquer les quatre niveaux d'extraterrestres. ministre. Il va évoquer le plan fictif, la description du pourquoi les extraterrestres viennent nous visiter également. Et puis, il va nous dire ce qu'il a vu véritablement. Pour en savoir plus, restez donc avec nous. Mon nom est Bob et tous les soirs, entre 21h et minuit, pas de foot, pas de cul, mais toute la vérité ce soir sur les contactés par extraterrestres. George Lucas nous a offert la guerre des étoiles. Ado vous offre Bob vous dit toute la vérité. Reste à savoir qui est Chewbacca. Et ce soir, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, je vous rappellerai que si vous êtes appelé, si on vous demande ce que vous écoutez le soir, eh bien répondez Ado, ça peut aider. Dans tous les cas, j'aimerais, avant de retrouver Richard Glenn pour le dossier contacté par extraterrestre, évoquer ce qu'on en a appris tout récemment, la fermeture du bureau extraterrestre anglais. Et c'est marrant parce que visiblement ça a été fermé en 2009 et on en apprend que des bribes d'informations tout récemment. Et puis c'est tombé un peu comme ça dans l'oubli. Et en fait les raisons, je cite, ne pas entretenir un service qui n'a pas lieu d'être pour des choses n'existant sûrement pas. Voilà ce que déclare en tout cas l'Angleterre. Et je vais demander son avis à Richard, bien sûr. Entendre que l'Angleterre ferme son bureau d'investigation ufologique, ça vous fait quoi, Richard? Oui, effectivement, c'est une nouvelle de 2009. Ouais. Et c'est sûr, c'est la raison dont on parlait de la dernière rencontre avec les Men in Black. Ouais, c'est ça. Et comment peut-on nier quelque chose? Si on nie quelque chose, c'est qu'il y a une réalité derrière. On peut pas nier quelque chose qui n'existe pas. Si on mentionne si une perna n'existe pas, ben on ne parle pas de perna. Mais si on parle de perna, ben on va se dire il y a quelqu'un quelque part qui sait c'est quoi une perna. Alors là, on nie. Et c'est très étrange, puisque dans d'autres endroits du monde, c'est le contraire. On ouvre les dossiers au grand public disponibles sur Internet. Alors, il y a deux poids, deux mesures, mais on comprend que l'Angleterre est le pays qui, avec The City à Londres, qui est une ville dans la ville, ça s'appelle pas pour rien la Cité, The City, qui contrôle le flux monétaire international, qui est, on pourrait dire, le centre névralgique, parce que cherchez où est l'argent, vous saurez où est le pouvoir. Bien sûr. Et alors, Londres ferme les barrières, ferme les ponts, ferme les murs, ferme les fenêtres, et on dit, on ne veut pas entendre parler de rien d'autre que ce que l'on est et ce que l'on peut contrôler. Et le phénomène OVNI, c'est pas les humains qui pourront le contrôler. Hein? Exactement. Alors, on va revenir, bien sûr, au contacté avec Bernard de Montréal, donc un personnage contacté au Québec depuis la fin des années 60. Et je vous propose d'écouter, vous, chers auditeurs français et québécois, parce que je sais que vous êtes très nombreux au Québec à nous écouter, dès 15h, heure locale. Eh bien, Bernard de Montréal. Alors, lui, en fait, il parle de 4 niveaux d'extraterrestres. Je vous propose de l'écouter parce que c'est assez incroyable. Bernard de Montréal. Il y a 4 niveaux de ce qu'on appelle extraterrestres. Il y a le niveau physique. Il y a le niveau fictif. Il y a le niveau d'énergie pure. Et il y a le niveau qui n'est pas connu sur la planète Terre encore. C'est un niveau qui est intergalactique. C'est un niveau qui est équivalent à la relation qui peut exister entre la lumière et l'atome. Et ce niveau-là n'a pas de forme. Et c'est à ce niveau-là que se situe ce que les gens appellent les archanges. Alors, c'est intéressant ce qu'il dit, Richard, parce que... Oui, là, je remarque, effectivement, je n'ai pas envoyé l'extrait assez fort, le volume. Les prochaines rencontres qu'on aura, Bob, je vous l'enverrai avec une qualité de son encore plus forte. Oh, mais vous inquiétez pas, avec les traitements qu'on a sur le son, c'est passé, mais alors comme une lettre à la poste, on a tout bien compris. Mais ce qui est intéressant là, c'est qu'en fait, le quatrième niveau, ils disent ce qu'on appelle les archanges. C'est-à-dire qu'il y a un côté, c'est-à-dire qu'il y a encore une fois ce qu'on voit et l'interprétation qu'on en fait. Oui, mais ça revient aussi avec la mythologie orientale, où ça revient avec les enseignements des différentes religions, avec les différents cœurs des anges. Ouais. D'ailleurs, si vous vous souvenez du film Rencontre du troisième type, bien sûr, prépare à envoyer M. Neri avec les extraterrestres dans la grosse coupe volante à la toute fin du film. Ils sont devant un pasteur, un prêtre qui représente toutes les religions. On voit les symboles de chrétiens, juifs, musulmans. Et il dit alors que les anges de Dieu protègent, et finalement, ce sont les gens qui partent avec les extraterrestres dans la fameuse opération officiellement reconnue comme étant l'opération Serpo, qui a vraiment eu lieu à une époque où Alan Hynek était justement en tête du projet Blue Book, puis il a été informé de tout ce qui s'était passé dans l'opération Serpo, où il y a eu un échange d'êtres humains avec des extraterrestres. Ils sont allés vivre là-bas, ils sont revenus, quelques-uns sont restés là-bas, d'autres sont morts là-bas, d'autres sont revenus, et aujourd'hui, ils sont tous morts, ceux qui ont participé. Ils étaient 12 plus 1, comme on dit dans la formule ésotérique, 12 plus 1, qui veut dire 13, finalement, mais plutôt que de dire 13, on dit 12 plus 1. On expliquera un jour le sens ésotérique de tout ça. Mais oui, les archanges, c'est un des types d'êtres angéliques dans le cœur des anges, hein, les trônes, les dominations, les principautés, les anges, les archanges. Bon, alors, les archanges seraient des ça vient de archétypes, ceux qui peuvent créer la forme, mais ils ne sont pas dans la forme. Ils sont les sources de forme. Mmh. Et quand on voit un ovni, une soucoupe volante, on ne sait pas comment les appeler. Hein. On les appelle soucoupes volantes parce que le premier Kenneth Arnold l'a dit, ça rebondissait dans l'air un peu comme si c'était des soucoupes sur la surface de l'eau. Ouais, c'est ça. Automatique, soucoupe volante, flying saucers. Mais il y a des gens qui disent, on voit comme une boule de lumière, c'est comme quelque chose de très, très lumineux, blanc. D'autres, c'est rouge, d'autres, c'est comme en métal, c'est comme en tôle. Alors, tout ça, c'est des niveaux vibratoires, des niveaux de manifestation de ce fameux phénomène. Et c'est pas pour rien que là, on parle des rencontres du quatrième type où des humains physiques, biologiques rencontrent d'autres êtres physiques, biologiques. Mais on sait que dans l'être humain, il y a des aptitudes, des capacités dans son cerveau d'imaginer, donc, la réalité fictive dont parlait Bernard de Montréal. En passant, Bernard de Montréal, tout le monde a compris que c'est pas vraiment son nom, c'est Bernard, c'est son vrai prénom. Bien sûr. Le nom de famille, c'est pour protéger l'identité de lui, de sa famille aussi. Il faut pas jamais oublier que la famille est autour, alors il faut respecter la vie normale des gens qui sont pas obligés de subir le choc que le père de famille avait subi en 1969. Et donc, il y avait les ovnis physiques, les ovnis fictifs, qui viennent par le biais de, on pourrait dire presque par l'esprit, mais là, l'esprit, ça va être la troisième catégorie dont Bernard parlait, l'énergie pure. Bien sûr. Je vous ai fait entendre ce passage. Ben là, justement, je vous propose d'écouter, il fait la description du plan fictif Bernard de Montréal. On l'écoute et on se retrouve après. Sur le plan physique, naturellement, ils peuvent passer d'une dimension à une autre. Alors, il y a matérialisation. Sur le plan fictif, c'est au niveau des idées. Parce que l'idée, ce qu'on appelle, nous, l'idée, la pensée, c'est réel, c'est concret. Et ça se matérialise. Et en général, heureusement, que la pensée demeure sur le plan interne humain, mais lorsqu'elle est matérialisée dans l'espace-temps, à ce moment-là, elle devient une forme qui peut être identifiée et qui peut servir même, à véhiculer sur le plan physique des forces aussi puissantes qu'un objet matériel. Parce que la seule différence entre une pensée dans son essence et une pensée matérialisée, c'est la densité de la forme. Alors, ils peuvent, d'ailleurs en général, ils se servent de cette formulation pour se faire connaître. Alors, moi, je me demande, là, Richard, comment il a su tout ça, en fait. Est-ce qu'ils l'ont éduqué, puisqu'il a été contacté? Il a été contacté plusieurs fois. Hein. C'est-à-dire que ça a un petit peu été comme ça plusieurs fois dans sa vie. Est-ce qu'il a appris des choses à leur contact? Pendant 20 ans, Bob, j'ai reçu Bernard de Montréal presque tous les mois pour une rencontre filmée, devant public, bien souvent. Ouais. Les foules remplissaient les salles où on recevait Bernard de Montréal. Je le rencontrais qu'une fois par mois. Il arrivait de derrière la foule, il descendait les escaliers, il montait sur le théâtre et je lui serrais la main. Bonjour Bernard, bonjour, ça va bien, oui. Pendant qu'on faisait deux, trois mots, il s'approchait de son fauteuil, il s'assoyait dans le fauteuil, on lui plaçait le micro et on commençait la conférence. J'avais aucun autre contact avec lui durant le mois. Ouais. Et il ne savait jamais quel était pour être le sujet qu'il était pour aborder avec lui. Ouais. Il entrait comme en transe. Ouais. Ça durait quelques instants. Moi, j'étais très près de lui et je le voyais frémir. Ouais. Et paf, ça partait. Et comme on dit, c'est comme on s'amuse à dire, on met un 30 sous dans la machine distributrice, on tourne la manivelle et c'est parti. Cling, cling, cling, cling, cling, cling, cling, et ça sort. Et il nous entretenait pendant deux heures consécutives, sans faux pas, sans contradiction, jamais. En 20 ans, là, on peut réécouter les enregistrements, justement, et se rendre compte à quel point c'était cohérent, tout le temps. Et ça sautait d'un domaine à l'autre. Et Bernard de Montréal était dans un réseau, on pourrait dire para-ufologique. J'aime mieux dire cela que dire ufologique, parce que l'ufologie, pour moi, c'est des Boy Scouts qui cherchent des... C'est un peu comme la chasse au trésor. Tu sais, ils courent, si on peut trouver comme un jeu de piste, où est-ce qu'on va trouver des traces de plus, où est-ce qu'on va avoir un meilleur témoin, est-ce que... Bon, mais non, c'est de l'ufologie. C'est triste de voir des gens qui consacrent leur vie à faire des jeux de chasse au trésor, alors qu'en fait, à la rencontre d'un, deux, trois ou quatre bons contactés, on reçoit toute l'information nécessaire à saisir la dynamique qu'il y a derrière le phénomène extraterrestre. On a vu tantôt quatre définitions de ce qu'on pourrait appeler le phénomène extraterrestre. Qui sont-ils? Quelle serait leur origine? Bon, ben alors avec Bernard, on a fait le tour de beaucoup de domaines. Et lui-même était souvent, il était parfait bilingue, français, anglais et allemand. Et allemand. Je reviens avec l'idée qu'à une certaine époque, il y a une organisation en Allemagne qui était en contact avec des extraterrestres et qui s'était fabriqué des soucoupes volantes qui appelait Anibou, rendez-vous. Ouais. Bon, alors Bernard était souvent en Europe, aux États-Unis, pour participer à des études, à des analyses de cas. Et lui-même était très bien placé pour expliquer au grand public. Puis on ne peut pas dire vulgariser, vous l'avez entendu parler tantôt, en quelques mots, on comprend que son discours est très rigoureux et d'un très haut niveau de communication. Les gens achetaient les cassettes pour le réécouter, de réécouter. Et c'est un peu peut-être, grâce à lui, si au Québec, il y a tant de gens dans le public bien informés, avec une base exceptionnelle de connaissances, à la fois sur le phénomène extraterrestre et surtout, ce qui est plus important encore que le phénomène extraterrestre, sur la nature humaine. Vous venez d'avoir un invité qui était extraordinaire, hein, le psychologue Yvon Dallaire. Bien sûr. Bon, ben je vous dis, quand il parle du couple, c'est excellent et je pense que cette dynamique de la pensée qu'on a ici au Québec, elle est unique ou presque dans un sens, c'est que on a eu affaire dans ce nouveau monde qu'on est en Amérique à recevoir des vibrations, des choses qui ne sont pas empreintes d'autant d'histoires que les vieux pays d'Europe. Bien sûr. Où on rentre dans des vieilles villes, dans des vieux châteaux. Mmh. Il y a tout un égrégore qui écrase l'être qui veut s'exprimer. Bob, vous faites un travail de précurseur en France, là. Il n'y a jamais eu d'émission qui a été aussi directe, aussi claire, aussi ouverte sur des sujets qui, les cartes, hein, et le cartésianisme français interdit de toucher à ces sujets si on n'a pas la capacité de prouver tout ça. Ben oui, ben on n'a pas les capacités de prouver, sauf le témoignage d'un être humain vivant. Ben oui. Et la chose la plus importante, c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Bon. Mais vous savez, Richard, qu'on n'ait pas la preuve, la certitude de que la seule... certitude que l'on est, c'est le témoignage qui vient ou le témoin qui vient à nous, mais c'est déjà bien de l'écouter. C'est déjà énorme de l'écouter. C'est ça qui est important. Il faudrait que tout le monde entende cette formule-là, Bob. C'est ça qui est le domaine. C'est ça qui est dommage en général. Ouais. Les gens sont dans des tours d'ivoire, ont l'impression d'avoir acquis une connaissance à l'université ou sur le terrain pendant des années et de remettre en question. Et vous en recevez des invités qui nous disent on va être obligé de remettre en question des acquis dans toutes sortes de domaines. Là, qu'on parle de l'archéologie, hein, qu'on parle de la science. Vous avez un invité qui parlait de l'eau, le message. Oui, Jacques Collin, oui. Ouais, et puis il a terminé son émission avec vous d'une manière fracassante, là, extraordinaire. Là. Ouais, c'était alors, vendredi, hein. C'était vendredi. Oui, vendredi, c'est disponible en podcast, mais on comprend que vous êtes à faire présentement quelque chose d'extraordinaire. Et ici, au Québec, ben, tout mon public est rendu chez Bob à tous les jours. C'est bien ça. Ben, en tout cas, alors, je sais qu'au Québec, vous êtes nombreux et nombreuses à nous écouter. Et je voudrais saluer Alex qui m'a écrit. Ah. Et je le salue parce que vous allez voir d'où il l'écoute quand même. Il fait « Salut Bob, bravo à toi et à ton équipe pour ton émission. J'ai découvert tes podcasts grâce à ma mère qui t'écoute tous les soirs de Paris. Depuis, on t'écoute en live de Rio de Janeiro. Ah, génial. Chaque fin d'après-midi. Bravo pour ton émission. Continuez comme ça. » Voilà. Et donc, comme quoi, il y a les gens du froid et il y a les gens du chaud. En tout cas, merci. Merci où que vous soyez de nous écouter. L'univers mesure 46 milliards d'années-lumière. croyez-vous vraiment que nous soyons seuls ? Bob vous dit toute la vérité. 21h minuit sur Ado. L'ésotériste du Nouveau Monde, animateur, concepteur, producteur de l'émission Ésotérisme Expérimental. Je vous invite à aller sur son site d'ailleurs, parce que vous apprendrez beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Des années d'études, de travail et d'animation et de production d'une émission de télé qui a eu lieu au Québec entre 1976 et 97. Et puis maintenant, vous continuez bien sûr, Richard Glenn, à animer vos émissions sur Internet. Et je sais que vous êtes très nombreux à le suivre, Richard Glenn. En tout cas, vous êtes diplômé, vous, en psychologie. Et on parle des contactés ce soir. Et on va revenir sur Bernard de Montréal avec la description, parce que la question finalement qu'on se pose aussi également tous, c'est pourquoi les extraterrestres viennent-ils nous visiter? Voilà ce que disait Bernard de Montréal de son vivant. Parce que pour eux venir sur le plan physique dans un véhicule physicalisé, matérialisé, c'est parce qu'ils ont un programme particulier, soit qu'ils aient rencontré une personne ou qu'ils aient à faire des expériences à l'école, je sais pas moi, chercher dans les champs ou dans l'environnement physique humain des pièces pour étudier. Mais s'ils veulent se manifester sans subir la responsabilité de leur projection dans la matière, à ce moment-là, ils se servent de la pensée. Alors, voilà ce que disait donc Bernard de Montréal. On parlait des différents types de contactés, Richard. Ce monsieur-là, il a été complètement bouleversé. Ça a bouleversé sa vie, bien sûr, ce contact. Ça a dû être assez incroyable. Et pourtant, il n'avait rien demandé. Non, mais il s'était mis en condition de pouvoir recevoir ce bagage d'informations. Parce que, comme dans votre cas, Bob, et dans le mien, avec ésotérisme expérimental, on donne tellement d'informations à la population qu'on pourrait considérer comme disparates. On va avoir beaucoup de data, d'informations. Les infos tombent, les infos arrivent, bang, ouais. Bang, bang. Les gens avalent, les gens mangent de tout. Ils goûtent à l'écologie, ils goûtent à la science de pointe, ils vont goûter à la physique quantique. Puis à un moment donné, ils savent plus où donner de la tête parce que c'est arrivé de toutes parts, de tous côtés. Et c'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut mettre de l'ordre dans tout ça et avoir peut-être comme les wagons d'un train, les placer à la bonne place et savoir où est la locomotive devant tout ça pour se diriger dans un sens ou dans un autre pour pas devenir complètement étiolé, perdu et éparpillé. Et Bernard, avec les années où il a lu, il a étudié, il a appris plein de choses avec sa bibliothèque, là, sa librairie. Il a reçu un jour un feed, une information, un canal, d'autres padrons de canalisation, là, justement. Et les choses étaient à leur place. Et avec Bernard, les choses étaient toujours en ordre, toujours bien placées. Et heureusement que sa femme, son épouse, Pierrette, a su contrôler le cheval sauvage, le cheval rétif là, sur lequel on voulait monter. Alors, il ne se laissait pas harnacher facilement, il ne se laissait pas monter. Mais heureusement, grâce à elle, il a été mis en contact avec des psychologues, des psychiatres, et évidemment, Richard Glenn a été mis en contact avec lui par un réseau ou un événement d'une gravité exceptionnelle, mm-hmm. où j'ai été invité à aller dans un salon chez une dame qui m'a présenté ce personnage très particulier, ouais. Et on a cliqué immédiatement. J'ai compris que cet homme-là était comme un Mozart. Il y avait du génie en lui. C'était pas de la folie. Là, on dit souvent que le génie est proche de la folie. Il y a des gens qui disent que c'est un fou. Eh oui, mais il y en a d'autres aussi qui vont dire que la folie est proche du génie. Mm-hmm. On n'a qu'à aller dans la bonne direction. Bien sûr. Et avec lui et avec toutes les informations qu'il a données, il a donné des réponses à des autorités militaires canadiennes, à des autorités américaines, mm-hmm. à des gens qui faisaient de la recherche. Et lui arrivait parce qu'on lui pose la question et la réponse arrive. Et c'est toujours, comme je vous disais, cohérent, complémentaire, on se perd pas. Et avec les années. Malheureusement, il y a des gens, puis ça, il faut le comprendre, qui, sans préparation aucune, oui. sont tombés dans le domaine de Bernard de Montréal, à l'écouter. Et à un moment donné, ont perdu la boule. Bien sûr. Parce que c'était trop. Mmh. Il faut d'abord préparer le terrain. Bien sûr. Et comme il disait souvent, allez pas vous brancher sur, nous ici au Québec, on parle là, du 220 volts. Oui. Ben, si vous mettez la main sur le 220 volts, vous risquez de sauter. Les bons électriciens, ils peuvent toucher du 110 volts, et puis nous, on va réagir, mais eux, ils deviennent habitués. Alors, c'est la même chose dans le domaine ésotérique ou insolite. Il faut y aller à petite cuillère au début, puis graduellement, on fait un entraînement. Nos neurones, là, c'est un peu comme des muscles. Hein. Il faut les muscler. Alors, Richard, deuxième pause dans notre entretien ce soir sur Rado. Et puis, on va évoquer un autre Bernard. Dites-moi, les Bernards ont de la chance chez vous. Ils sont souvent contactés. Bernard Labelle. Alors, lui va nous faire la description de ce qu'il a vu. Vous nous direz qui était ce Bernard, qui est ce Bernard Labelle. Grâce à vous ce soir et grâce à Ésotérisme Expérimental, on découvre des histoires de contactés et notamment des contactés québécois. Bob vous dit toute la vérité sur Rado 97.8 à Paris, 93.1 à Toulouse et sur radofm.fr. Parmi vous, certains passent sur Rado et se disent mais qu'est-ce que c'est que cette émission de barjo, de fou. Certains me prennent pour un taré, d'autres m'insultent, certains me menacent, mais vous connaissez ma devise et je tiens le choc. J'expose et vous disposez. Quoi qu'il en soit, l'important, c'est d'écouter. Après, vous pouvez vous faire votre propre opinion. Quoi qu'il en soit, 23h36 ce soir, nous sommes avec Richard Glenn pour parler des contactés. C'est beau le cinéma. Rencontre du troisième type, on a évoqué le deuxième, le premier, mais il y a bien sûr ce rencontre du quatrième type, c'est le contacté, la personne qui est en contact avec ces extraterrestres. Et nous en parlons ce soir avec Richard Glenn de Ésotérisme Expérimental. Richard, je le disais, on va évoquer Bernard Labelle. Alors, qui est Bernard Labelle ou qui est, parce que peut-être que ce monsieur n'est toujours pas décédé. Oui, il est toujours vivant, heureusement. Tant mieux pour lui. Oui, c'est ça. Alors, il était garagiste, je le dis au passé, il était garagiste, machiniste, avec beaucoup d'équipement. Il demeurait sur la rive sud de Montréal, dans la ville de Saint-Hubert. Et un jour, dans la nuit, il reçoit de la visite de trois personnages dont on l'entendra en témoigner tantôt. Ouais. Et on lui donne l'information de comment réduire la pollution des véhicules automobiles qui, dans ces années-là, au début des années 80, faisaient beaucoup de pollution. Mm-hmm. Et on lui explique, parce qu'il a, encore une fois, il était préparé à recevoir ce contact d'une certaine façon, sans savoir que c'était des extraterrestres, mais l'information technique, il l'a reçu, il l'a compris, et on lui a dit comment fabriquer un carburateur. Pour automobile, c'est pas l'injection électronique comme aujourd'hui à l'époque, là. Alors, c'était un carburateur. Vous savez ce que est le rôle d'un carburateur? C'est de mélanger l'essence, le pétrole, avec de l'air. Bien sûr. Alors, on appelle ça la venturi. L'air rentre et elle passe à travers un filtre. Et elle va être pulvérisée autant que possible, et c'est là où l'étincelle de la bougie de l'automobile va mettre le feu à cette pulvérisation de l'essence qui devient comme un gaz, et à ce moment-là, ça éclate et ça fait bouger le piston, et c'est comme ça que le moteur avance. Mais à l'autre bout, l'éclatement est pas complet, est pas total, parce qu'on n'a jamais réussi à pulvériser suffisamment d'essence pour être capable de mettre le feu avec l'étincelle à toute l'essence qui passe dans le carburateur. Il y a qu'une partie seulement, et le reste s'en va à l'arrière du tuyau d'échappement par les gaz de pollution. Hein? Alors, Bernard Labelle reçoit ces trois visiteurs-là. Il reçoit de l'information. Il va nous décrire qu'est-ce qu'ils avaient l'air, qui étaient-ils, et après, je vous reviendrai avec tout ce qui s'est passé dans sa vie grâce à l'information de ces êtres-là pour lui dire comment fabriquer un carburateur qui va produire une automobile totalement propre. Alors, Bernard Labelle, témoignage exclusif, en tout cas en France, puisque ça a été diffusé au Québec, chez vous, mais en tout cas, description de ce qu'il a vu, en contact. Il y avait deux hommes, à peu près de ma grandeur, avec des costumes de couleur aluminium, avec des contrôles sur la ceinture. Oui. Et il y avait un petit bonhomme vert. Avec eux? Avec eux. Quelle grandeur, le petit bonhomme vert, à peu près? À peu près 3 pieds. Ouais. J'ai demandé s'il y avait la possibilité de leur demander leur nom. Ils m'ont dit oui. Fait que le capitaine du vaisseau m'a répondu, mon nom est Araska. Pas Alaska, là. Araska. Mm-hmm. C'est un nom qu'on a, que nous ne connaissons pas ici. Non, quoi que ça ressemble de près à Alaska. Alaska. Ouais. Et le deuxième, c'est Yorkie. Le grand bonhomme de la couleur aluminium, là, c'était Yorkie. Et le petit bonhomme vert, son nom était Bird. B-U-R-D-E. Et là, ils m'ont dévoilé beaucoup de choses que le carburateur que je travaillais dans le moment venait de la science des extraterrestres. Alors là, Richard, moi, il y a deux choses. Soit je me dis que ce monsieur est totalement fou, soit je me dis qu'il n'a pas pu inventer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est incroyable. Et pourquoi irait-il dire que l'invention de son carburateur viendrait d'extraterrestres alors qu'il aurait toute la gloire de l'inventeur intégral? Mais oui, c'est ça qui est dingue. Ben oui. Alors, le fameux carburateur, j'ai été le rencontrer parce qu'il m'a téléphoné pas longtemps après en me disant, écoutez, M. Glenn, il faut que je vous parle. J'arrive là, il me dit pas de caméra, personne, je veux juste vous... Bon, alors j'arrive tout seul. Et là, il m'explique l'événement. Il me montre le carburateur. C'est un carburateur qui était un peu en forme de des petits verres en papier qui vont avec les fontaines dans les bureaux. Là, je sais pas si vous avez ça, sous forme conique. Non. Des petits verres qu'on peut boire à la fontaine. Ah non, non, c'est très américain, ça. Nous, on a des gobelets. Vous avez des gobelets, des trucs pointus en plastique, là, en papier. Nous, on a des gobelets en plastique. C'est très américain, ce que vous dites, Richard. Ah, OK. Alors, voyez-vous, c'est ça, je ne savais pas. D'ailleurs, quand il dit que le petit bonhomme vert, là, il y avait trois pieds, il faut savoir que trois pieds, ça revient à peu près exactement un mètre. Hein. C'est trois pieds. C'est, d'accord. OK. Je ne savais pas. Vous voyez, même ça, j'ai jamais su ce qu'un pied, ça voulait faire. Donc, on mesure. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aussi, c'est très américain. Vous mesurez en pieds. Nous, on ne sait pas. Donc, ouais. Ouais. Les Anglais, eux, c'est yard. Oui, c'est ça. C'est donc, la même chose. Oui. Okay. Alors, donc, on se disait, il a inventé un carburateur en forme de cône, un petit cône, et dans lequel il a mis un millier de trous. Alors, imaginez la grosseur des trous. C'est gros comme un cheveu. Bien sûr. Et il a appliqué un véhicule automobile à l'époque, c'était un Duster, une marque automobile américaine avec un V8, un 8 cylindres, et puis c'est traction arrière. Donc ça y va, ça. En faisant à fond sur l'accélérateur, les roues ont tourné tellement vite qu'elles ont déjanté les caoutchoucs, les pneus. Ah oui, carrément. Carrément. Zoom! C'était trop tard, les pneus avaient été déjantés, ça sentait le caoutchouc, il y avait même un des pneus qui avait commencé à prendre feu. Alors là, on a compris. On a compris qu'il y avait quelque chose de pas ordinaire. Et pas longtemps après, j'arrive avec ma caméra pour filmer une entrevue avec monsieur, et il n'avait rien à faire, parce que il m'a dit, je peux pas parler à la télévision, j'ai eu des avertissements. Et il y avait dans son garage une Jeep de l'armée. Un Jeep kaki, vert kaki, et un militaire assis sur un siège qui était là en permanence pour surveiller. Et le Jeep était pas en mouvement, mais le moteur tournait. Ouais. Et pourtant, les portes du garage étaient fermées, c'était l'hiver. Alors, on garde la chaleur à l'intérieur l'hiver au Canada. Hein? Ben oui, je comprends. Hein? Les fenêtres fermées, les portes fermées, et le moteur tournait, et ça faisait déjà plusieurs jours que le moteur tournait. On remettait de l'essence dedans. Ouais. Évidemment que quand on brûle toute l'essence au complet, à 100%, ben on se rend compte que d'abord, il n'y a pas de pollution, puis ça prend beaucoup moins d'essence à rouler, hein, parce qu'il n'y a pas de gaspillage. Bien sûr. Et il n'y avait pas d'aération. Et non, c'était en même temps pour prouver qu'il n'y avait pas de pollution avec ce fameux carburateur. Oui, donc en fait, ce que les extraterrestres lui ont donné, c'est une façon surtout de rendre plus écologique et plus écolo le fonctionnement de la voiture, tout simplement. Pour l'étape où l'humanité était rendue. Aujourd'hui, ce serait autre chose qu'encore utiliser les carburants fossiles. Hein. Ils passeraient à d'autres choses de plus magnétiques ou électroniques. Hein. Alors, oui. Et le carburateur, juste pour donner une idée, peut-être qu'à l'écoute, il y aura quelqu'un, un petit génie, là, qui va se dire, écoute, si ça s'est fait une fois, parce que tout le monde a compris, j'espère, que le carburateur a été enlevé des mains de M. Labelle. Et on lui a garanti qu'il n'aurait plus jamais d'inquiétude financière, ni pour lui, ni sa femme, ni ses garçons, pour le reste de leur existence. Ah oui, dès qu'on l'a acheté, quoi. Ben voilà. On a acheté le carburateur et ça n'a jamais été mis sur la place publique. Ah ben oui. C'est en quelque part, comme bien d'autres inventions, et je l'ai vu. J'ai vu l'expérimentation qui a été faite avec, et il y a beaucoup d'autres personnes qui l'ont vu aussi. D'ailleurs, j'ai mis un de mes recherchistes pour retrouver si M. Labelle existe toujours. Puis la semaine dernière, on a retrouvé M. Labelle. Il est très heureux, la vie est belle. Et on lui a pas donné la fortune, on lui a donné la possibilité de ne jamais manquer d'argent. Et tout ce qu'il désire, tout ce que ses gars désirent, ils se l'achètent, il n'y a aucun problème. Bien sûr. Mais c'est ça le c'est quand même assez alors, incroyable. Alors, juste pour dire un inventeur qui pourrait nous écouter, dans un cône, vous faites un millier de trous grosseur d'un cheveu, Et ce qu'on a fait analyser dans un laboratoire qui appartient justement à l'armée, c'était qu'ils ont découvert que ça devenait un sifflet hypersonique. Parce que le venturi, l'air qui entre dans le côté du cône, ouais, elle passe par les trous, ouais, et l'angle des trous, la quantité de trous, ça devient comme un sifflet, ouais, qui émet un son non audible à l'oreille humaine, ouais, mais qui va atomiser le pétrole. Ouais, et qui va le propulser, j'imagine. Pardon? Et qui va le propulser, qui va donner une pression incroyable au pétrole. Exactement, en même temps, c'est ça, et qui va le rendre tellement fin, là, atomisé, c'est presque à la grandeur de l'atome. Et à ce moment-là, quand l'étincelle de la bougie arrive, elle brûle tout. Il n'y a plus rien qui reste parce que tout est déjà accessible au feu et on n'a pas besoin d'en faire entrer beaucoup d'essence puisque c'est parfaitement atomisé totalement. Alors faites un sifflet en cône avec des milliers de trous et vous aurez un carburateur totalement propre. Ouais. Incroyable. Ce soir, jusqu'à minuit, on évoque les contactés. Là, on voit bien que Bernard Labelle a eu une invention qui lui a été soufflée par des extraterrestres. Il aurait très bien pu la garder pour lui. Effectivement, quel était son intérêt de dire qu'il avait reçu cela par des êtres venus d'ailleurs? C'était juste l'assurance d'être pris pour un fou. Finalement, on l'a pas pris pour un fou, mais on lui a subtilisé son invention afin qu'elle ne soit pas sur le marché. Encore une fois, les lobbies financiers sont passés par là. Quoi qu'il fasse, ou quoi que vous fassiez, vous, en tout cas, jusqu'à minuit, on parle des contactés. L'application Bob vous dit toute la vérité. La vérité est téléchargeable gratuitement sur l'App Store et Android. Richard Glenn, ésotérisme expérimental. Il faut aller voir, bien sûr, ce site ésotérisme-expérimental.com, si je ne m'abuse. Allez-y, vous pouvez tout savoir sur tous les sujets qu'on évoque avec vous, Richard Glenn. Et on va évoquer, alors là, pour le coup, pour aller tranquillement jusqu'à minuit, Jean Miguer. Là, c'est un Français, lui, hein? Oui, c'est un Français que M. Dumigu m'a fait connaître et il est venu ici au Québec plusieurs fois, autant Dumi que Jean Miguer, jusqu'à ce qu'il décède. Il est décédé il y a quelques années maintenant. D'accord. Et lui a eu un accident d'automobile terrible alors qu'il conduisait une ambulance. Attendez un peu que je retrouve sur quelle rue, parce que ça c'est dans votre région, je pense, c'est dans la région de Toulouse. Ah. Et Jean Miguer a frappé de plein front une automobile qui s'en venait sur l'autoroute face à lui en essayant de l'éviter pourtant. Et il y avait au-dessus d'eux, à ce moment-là, un OVNI. Et probablement qu'à cause de l'effet de l'OVNI au-dessus de l'autoroute, ça aurait peut-être dérangé, distrait le conducteur qui venait devant, et pire encore, qui l'aurait entraîné dans la mort par une crise cardiaque. Parce que Jean Miguel dit « Je voyais personne au volant de l'automobile qui venait devant moi ». Oui. Alors, il était sur à Louviers. Vous connaissez? Moi, je connais pas. Louviers? Oui. Non. Du côté de Rouen, non, c'est ça? Non, Louviers, non, je connais pas. Non. Ouais, Miguer, le 11 août 1969, était admis à cliniquement mort à l'hôpital de Louviers. Non, non. Alors, peut-être, mais vous savez, il y en a tellement aussi en même temps. Le système hospitalier français est plutôt bon, il y en a un peu partout. Donc, mais je ne connais pas, mais quoi qu'il en soit, il a été hospitalisé. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il a été déclaré 3 fois cliniquement mort. Ah, d'accord. C'est des totales. Ouais. On l'a analysé, il avait le foie éclaté, la rate éclatée, la vésicule biliaire éclatée. Juste ça, là, ça tue quelqu'un, puis c'est fini, il ne revient plus. Et pourtant, quand il était dans l'ambulance, alors qu'il avait frappé de plein front, le brancard qui était derrière lui, lui a défoncé les épaules et lui a transpercé un poumon. Il est resté coincé derrière le volant qui était écrasé sur lui. Mm-hmm. Et à ce moment précis, apparaît un être extraterrestre à côté de lui. On peut peut-être écouter un petit peu son passage où il explique qu'est-ce qu'il a vu. Alors déjà, je propose le premier contact, c'est ce qu'il dit, le premier contact avec ces extraterrestres, en tout cas cet extraterrestre. Écoutez Jean Miguer. Mon contact a eu lieu tout de suite après l'accident, simultanément. Dès que mon véhicule a été immobilisé sur le bas-côté de la route, l'être est apparu tout de suite à mes côtés. Mon frère a été éjecté, l'être est apparu à mes côtés. Et il a sorti d'une sacoche qu'il portait sur son avant droit, il a sorti de sa main gauche un petit disque blanc, très lumineux, gros comme une balle de ping-pong, qu'il m'a appuyé, et plat, comme un disque, qu'il m'a appuyé sur la nuque, et il m'a transmis cérébralement toujours par télépathie, qu'il me régénérait, qu'il me redimensionnait selon un procédé qui n'était pas encore connu sur ma planète. Oui, parce que alors là aussi, Richard, moi je veux bien tous les sceptiques du monde de la Terre, mais le mec est entre la vie et la mort, il revient d'entre les morts, hein, parce que là, visiblement, quel est l'intérêt pour lui d'aller dire que c'est un extraterrestre qui l'a sauvé? Oui, et c'en est un autre qui est revenu en disant, on m'a dit à l'hôpital que j'aurais dû dire que c'est un miracle de la Sainte Vierge que de dire que c'est l'intervention d'extraterrestres. Oui, ouais, c'est sûr. Donc. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de connaître la description. Parce que, est-ce que par rapport à Bernard de Montréal, est-ce qu'il y a une ressemblance? Visiblement, des gens ici ou là nous disent qu'il y a beaucoup de différences. En même temps, il y a beaucoup de différences sur Terre. Donc, pourquoi il n'y en aurait pas dans l'univers? Écoutez la description de l'extraterrestre. Ses yeux qui étaient froids et obliques, ses arcades sourcilières qui m'ont semblé ressembler à de larges cicatrices, ses pommettes étaient très saillantes, très en dehors, les joues rentrées, le visage triangulaire, le front très haut. Donc l'aspect physique était quelque peu différent. Mais l'ensemble était bien une vie comme nous connaissons nous, deux bras, deux jambes, deux yeux, un nez, une bouche. Alors Richard Glenn, là moi quand j'entends ça, je me dis que finalement l'extraterrestre est venu réparer son erreur. Il a vu, ça veut dire qu'il a peut-être un cœur, hein, l'extraterrestre. Ça veut dire que tout d'un coup il s'est aperçu qu'il avait fait une connerie et qu'il fallait qu'il répare cette connerie. Ben pourquoi pas, c'est peut-être ça la raison pour laquelle il est intervenu immédiatement, instantanément. Ouais. Mais quand Jimmy Gueux a appris la nouvelle qu'un type dans un hôpital déclarait avoir été sauvé par un extraterrestre, s'est rendu à son chevet immédiatement et a fait toute une enquête sur l'événement et tout. Et Jimmy Gueux était convaincu que ce cas-là est un beau cas parce qu'on l'a amené même dans des émissions de télévision en France, confronté à des médecins chargé au tribunal de témoigner. Et il disait, on ne peut pas expliquer. Foie éclaté, rate éclaté, vésicule biliaire éclaté. Un gars ne peut pas survivre à ça. Et il est encore vivant. Bon. Et il est venu ici au Québec. Moi, je fais du motocross et je fais du karting. Ouais. Et puis, Jean Miguel embarque là-dessus. Puis on y allait par là, en pleine santé, en pleine forme. Ouais. Et oui. Alors, voyez-vous, c'est peut-être ça des preuves qui sont pas vraiment la preuve qu'on attend de la soucoupe volante, la bottine de l'extraterrestre, mais l'invention d'un carburateur. L'autre qui survit à un drame, c'est miraculeux, on dira. Ouais, au lieu de le mettre dans les bras de la Sainte Vierge ou de Jésus, bon, mais ça... Le problème, c'est que si vous voulez, c'est tout aussi paranormal hein, quand même. Hein. Moi, j'ai quelque chose sauvé par la Sainte Vierge, pour moi, c'est aussi paranormal que par l'extraterrestre hein, quand même. Hein. Mais c'est vrai que la Sainte Vierge, on va l'accepter parce que ça fait partie de notre société, de notre forme de vie. Par contre, l'extraterrestre ne l'est pas, quoi, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est pas encore dans la culture. Mais ça s'en vient, avec des émissions comme celle de Bob. Ça s'en vient. Bon, oui. Alors... Je sais pas, Bob, si, puisqu'il reste peu de temps, on pourrait pas sauter à Jeannot. Oui. Jeannot, ici, c'est un cas de survie et de guérie, parce que, elle, Jeannot, est-ce qu'on peut aller à Jeannot? Oui, on va aller direct. Alors, qui était Jeannot, d'abord? Bon, Jeannot, c'est une femme du Québec. Oui. Il vit dans la région du lac Saint-Jean qu'on appelle Chicoutimi. Ah, Chicoutimi, je connais bien, oui, bien sûr. Oui, bon. Alors, à Chicoutimi, elle est envoyée à Montréal, le grand centre hospitalier de Montréal, parce qu'elle a des maux de tête carabinés. On détecte des tumeurs cancéreuses dans son cerveau. Et on sait que ça ne pardonne pas le cerveau. Hein. Bien sûr. Bon. Elle rentre finir ses jours chez elle. D'ailleurs, on a une expression au Québec, je ne sais pas si vous l'avez en France, quelqu'un dont on sait qu'il lui reste peu de temps à vivre. On peut lui dire, dans 3 mois ou dans 4 mois, tu ne verras pas Noël, etc. On appelle ça des gens qui sont décomptés. Non, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Décomptés, non, on n'a pas. Non. Alors, elle dira dans l'entrevue que vous allez entendre tantôt, j'étais décompté. Ah oui. C'est-à-dire, il n'y a pas de rémission, on sait que c'est dans tant de temps. Que c'est la fin, quoi, voilà. Une fenêtre de 3, 5, 6 mois, et puis c'est fini. Bon. Alors, elle va dire, j'étais décompté. Elle revient donc chez elle pour finir ses jours dans la famille. Elle était mariée avec deux jeunes filles. Et là, dans la nuit, des êtres sont venus. J'ai été voir, moi, les traces que l'OVNI a laissées dans le champ derrière. Un peu plus loin, parce qu'il faut dire que là, on est loin quand même des grandes villes. Chicoutimi, c'est peut-être une grande ville, mais elle demeurait à l'orée du bois, à l'orée des champs. Elle était à la limite complètement, et c'est très, très, très sauvage. Après, des monts Valins et tout, bon. Alors, elle est amenée à bord de l'OVNI. Elle va le décrire un petit peu. Elle est dans une pièce, et là, ben, on l'a opérée. On lui a enlevé ses tumeurs cancéreuses. Ouais. On peut l'écouter? Oui, on va écouter. Alors, description des yeux des extraterrestres déjà, parce que c'est quand même assez incroyable. Jeannot. Moi, c'est leurs yeux. C'est leurs yeux, là. Ça m'a vraiment impressionné. Parce que j'ai fixé dans les yeux quand il est revenu. Mais tu voyais pas d'iris, non, puis de paupières, là. Non, rien. J'ai pas vu ça. Ça, je disais, c'était pas des vrais yeux. C'est pour ça que je disais, c'était comme des. Tu sais, les astronautes, là. Ouais. Leur scaphandre. Tu sais, là, quand ils sont sur la Lune, on dirait que c'est noir, c'est la vitre. Mais c'était pas des vrais yeux. Ça bougeait pas, ça. Alors, les yeux encore, et ça c'est quelque chose, c'est une constance, hein, c'est-à-dire que dès qu'on parle d'extraterrestres, les yeux, le regard, et d'ailleurs on dit souvent que c'est la fenêtre de l'âme, hein, le regard, les yeux, là ça ressemble un petit peu à ce que Bernard a dit, Bernard Labelle, hein, sur ses yeux, ce regard encore assez particulier. Oui, effectivement, et on dira que c'est comme s'il portait des coquilles sur les yeux, ah, oui, c'est ça. On sait que dans différents niveaux ou types d'éclairage, elle dira aussi, dans la salle où elle était environnée d'un rouge, un peu genre un infrarouge, et avec des coquilles spéciales, un peu comme des verres fumés. Mm-hmm. Alors elle dit, c'est pas les yeux, ben c'est pas les yeux, c'est ses yeux qui sont derrière une coquille ou une vitre quelconque, là. Mais, Richard, c'est pas con, en fait, hein, comme réflexion, parce que quand on montre des extraterrestres, vous savez, on va faire une émission dans deux soirs avec Ludovic Chapier-Margré sur Dark Skies, qui est un film qui sort en France le 26 juin, et qui est sur les enlèvements par extraterrestres, et on voit dans le film, bien sûr, les petits gris, hein, c'est-à-dire qu'on voit ces fameux petits gris avec ces grands yeux qui sont en amande, là, qui sont assez grands, mais on peut imaginer, effectivement, qu'ils supportent porterait peut-être pas soit quelque chose de la Terre, ou soit la luminosité, etc., et que ça pourrait être des coquilles, hein. Ben voilà. Tout simplement. Et parce que ça ressemble... Parce que c'est vrai qu'effectivement, ils ressemblent quand même à des humains, même s'ils sont disproportionnés, ils ressemblent quand même, ils sont humanoïdes, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont deux bras, deux jambes et un corps. Donc c'est vrai que c'est vraiment le regard qui est très particulier chez les extraterrestres, en tout cas, d'après les contactés, hein. Oui, et c'est la façon dont on se fait hypnotiser bien souvent, hein. Regarde mon regard, regarde-moi, et puis je te parle, et tu entends que ma voix, etc., etc. Ouais, ouais. Est-ce que Jeannot a été... comment elle a vécu sa vie, Jeannot? Parce que là, encore une fois, elle est atteinte d'un cancer, deux extraterrestres, la soigne à bord d'un ovni. Elle n'est pas devenue folle? Parce que moi, j'ai quand même... j'aurais pété un câble. Ben, elle a raconté dans l'entrevue là, que je vous ai fait parvenir, très court, elle dit, autour de moi, je n'ai pas osé en parler pendant un an. Elle n'en a pas parlé. Alors, elle parle justement de la réaction de sa famille, dans ce que vous m'avez donné comme extrait. On l'écoute, on revient vers vous dans un instant, Richard. Même les membres de ma famille, la fin de semaine, elle a compté ça. Ils disent que je capote, je suis en train de capoter. Mais si tu veux, moi, je suis pas en train de capoter. Je sais, j'ai vu, j'étais avec deux autres. Alors ça, c'est capoté, on a bien compris que voilà, je suis en train de perdre la boule, hein, c'est ce qu'elle veut dire avec une expression québécoise. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas simple, vous imaginez quand même. Parce que le plus dur, c'est ça aussi, hein, Richard, pour les contacter, c'est qu'on accepte votre discours. Hein. Ah ben là, qu'est-ce que vous voulez, hein? Je vis dans cet univers depuis 37 ans et j'ai vu des réactions. Là, je peux vous dire que le cas de Jeannot a fait capoter après des médecins. Comment a-t-elle pu survivre à des tumeurs cancéreuses au cerveau? Oui, c'est ça, ouais. Ah ben oui, à un moment donné, là, c'est eux qui sont confrontés à... Et là, ben, ils me rencontrent dans le bureau pour me demander un peu d'explication. Puis à un moment donné, ils me disent, bon, ça suffit, j'ai compris. Mais je veux pas en savoir plus. Ça, c'est l'attitude souvent des scientifiques, hein. Ouais, c'est ils veulent pas déranger de leur réalité ou de leur, j'allais dire, de leur croyance, dans un sens, là. Ben, de leur dogme, hein, tout simplement, hein, voilà. Ils sont sur alors, des positions. Vous et moi, là, on dérange, hein. Mmh. Et puis, c'est bon que ça dérange, parce que la chose tourne pas très bien maintenant. Il va falloir qu'il y ait des gens qui prennent un nouveau virage pour que les choses aillent mieux, je pense, j'espère. J'espère que ça a donné un petit peu un aperçu de ce qu'était le monde des contactés, ah ben oui. Des missionnés, des programmés ou des manipulés, et que derrière tout ça, l'être humain est un peu une marionnette. Hein. Mmh. On est soumis à une force ou à une intelligence très supérieure qui a des capacités à la fois matérielles, physiques, spirituelles aussi, parce que Jeannot, elle, a fini en disant qu'elle se sent maintenant tellement heureuse d'avoir survécu, et elle trouve les valeurs de la vie ne sont plus celles qu'elles étaient avant. Ah oui. Maintenant, la vie est belle, la vie vaut la peine d'être vécue en respirant les fleurs, en étant heureux de voir le ciel bleu. Ah bah ouais, bah, des fois. Alors les choses les plus banales deviennent magnifiques, hein, quand on revient d'entre les morts et d'une tumeur au cerveau, on se dit que tout a une importance énormissime. Imaginez quand en plus tu rajoutes l'idée que tu as rencontré des êtres cosmiques, des puis... êtres que d'autres nient complètement, ridiculisent, mais n'en ont pas vu. Alors comment pouvez-vous prendre leur réflexion, bien leur sûr. Réaction, bien honnêtement, sûr. En disant, écoute, t'as pas été mis dans les mêmes circonstances que moi, alors arrête d'en rire, je te souhaite un jour d'en rencontrer, mais en attendant, ben au moins, respecte ceux qui disent ces choses-là. Exactement. Ils ont des preuves qui sont pas des preuves qu'on attend souvent, mais par la bande circonstancielle, et qui nous disent, bon, ben voilà. Pourquoi pas, hein? Richard Glenn, on va se quitter. Merci mille fois d'être encore intervenu ce soir dans Bob vous dit la vérité. Je rappelle que vous êtes l'ésotérisme du Nouveau Monde. Merci Mathieu. Animateur, concepteur, producteur d'émissions ésotérisme expérimental. Sur Google, faites juste ésotérisme. Vous allez tomber sur le site d'ésotérisme expérimental. Et Gilles Surprenant a fait un suivi de ce qu'on se disait. Et qu'on a entendu chez Bob. Vous pourrez les voir sur le complément surprenant et vous pourrez les voir, les gens qui parlent. D'accord. Rendus là, sur l'émission de Bob, jusqu'au jour où on va retrouver Bob à la télévision. Oui, je tourne demain les premières images, voilà. Vous voyez. Donc voilà, je fais une première émission sur les ovnis et les pouvoirs avec trois pilotes, un pilote de ligne et deux pilotes de chasse. Donc, qui ont vu des choses incroyables et les premières images, on les tourne demain. Alors, pour ceux qui seront intéressés, c'est pas complètement l'adaptation, ça s'appellera Bob, vous dites la vérité, mais ce sont des séries de documentaires pour aller au plus près de l'actu et de l'investigation pour essayer de comprendre tout cela. Et donc, la première émission, c'est les ovnis, le pouvoir. Voilà. Avec des reconstitutions par ordinateur? Oui, on va tout faire. Il y aura des reconstitutions. On va essayer de tout comprendre, de tout mettre en image pour essayer d'être au plus près de la vérité. En tout cas, voilà, Richard, mille fois merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci. À la prochaine. Et bonjour à Gilles Surprenant. Salut. Vérifiez que votre porte est verrouillée. Branchez vos systèmes de sécurité. 21h minuit, tout peut arriver. Sur Ado, Bob vous dit toute la vérité. Voilà, il est temps pour moi de vous laisser rejoindre votre sommeil. Merci d'avoir été une nouvelle fois fidèle à ce rendez-vous unique sur la bande FM. Il s'est dit sur Ado ce soir encore ce qui n'a jamais été dit aussi librement, ouvertement et sans censure. Et il en sera ainsi demain avec Alain Gaborio du CNES pour la sonde Curiosity, avec Serge Boutboul pour le développement de vos facultés et Mario Beauregard sera à mes côtés pour le pouvoir de la conscience. Je voudrais saluer Sakina qui m'a écrit ce gentil mot. Comme tu dis Bob, quand on t'écoute une fois, on t'écoutera mille fois. Quel bonheur qu'on me parlait de ton émission samedi dernier. Merci pour tout, c'est moi qui te remercie Sakina d'avoir été avec nous ce soir. En tout cas, je vous rappelle que pour ne rien perdre de cette émission, vous avez la possibilité de télécharger l'appli mobile sur l'App Store et Google Play. Elle est gratuite et vous offre actu, podcast, exclus, programme, vidéo et l'accès au direct de n'importe où dans le monde. N'oubliez pas le site bob-toutelavérité.fr pour un max d'infos. À noter que si je pars, l'aventure elle continue sur les réseaux sociaux, Elliot. Et oui, et merci pour toutes vos réactions et notamment celle de Sakina, la nouvelle auditrice, et vous pouvez continuer à nous laisser vos remarques, vos propositions de sujets. C'est sur le Facebook Bob vous dit toute la vérité sur Ado et il y a aussi le Twitter Maudies Bob Vérité. Merci à tous mes invités et à toute mon équipe, Hélène, Bess, Sylvain, Elliot, Mathieu. Demain dès 6h, c'est Léo, enfin tout à l'heure maintenant, c'est Léo qui sera à ma place pour votre réveil. Bonne nuit, comme je le dis tous les soirs, faites de beaux rêves ou de jolis cauchemars. Phénomènes paranormaux, sociétés secrètes, mystères des pyramides, complots d'État, Big Brother, témoignages, révélations. Tous les soirs sur Ado, Bob vous dit toute la vérité sur ce qu'on nous cache depuis trop longtemps.